Le feu vient de passer au rouge. Je vais donc devoir patienter plusieurs dizaines de secondes, voire plusieurs minutes. Le moteur est alors inutile. Mais pour tourner, il a besoin de carburant. Environ 1 litre à l'heure. Ça peut paraître négligeable. Pourtant, au-delà de 20 à 30 secondes d'arrêt, il est plus économique de couper le moteur et de le redémarrer lorsque le feu passe au vert. Cela permet aussi de réduire l'usure du moteur et de réduire la pollution sonore et atmosphérique. Et sur une année, cette bonne habitude permet d'économiser plusieurs dizaines de litres de carburant. Réponse A.